Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. La mécanique des ondes. La mécanique des ondes. Cécile Rondeau-Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue, 36e épisode de La Mécanique, ça fait beaucoup au compteur, j'ai bientôt plus avoir de place sur le site internet, je commence d'ores et déjà à vous le dire et c'est comme ça que je termine l'année 2016, c'est le dernier épisode de cette année, nous sommes en décembre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce donc 36e épisode. Nous allons passer trois quarts d'heure ensemble pour parler carrière radiophonique avec celles et ceux qui sont devant et derrière le micro. L'invité d'aujourd'hui, c'est Claude Emer qui est consultant. Bonjour Claude. Bonjour Cécile. Alors, la première question traditionnelle de cette émission, vous êtes au micro d'une radio associative, est-ce que ça vous rappelle les souvenirs? J'allais dire très pompeusement, ça ne me rappelle pas de souvenirs lointains, puisque j'ai eu la chance de démarrer ma carrière par une radio qui n'était pas une radio associative, puisque c'était celle de la rue Bayard. Mais paradoxalement, aujourd'hui, je suis complètement investi dans la radio d'associative, dans la transmission du savoir, la formation des jeunes dans ces milieux associatifs. Eh bien oui, aujourd'hui, ça me dit quelque chose. Je le touche du doigt, le travail qui est fait par ces petites radios, j'aime pas trop le terme de petite, mais bon, par ces radios associatives qui ont beaucoup de mérite, qui ont des résultats tout à fait impressionnants. Maintenant, je peux dire que je connais le monde de la radio associative, ce qui n'était pas le cas. Alors, on y reviendra plus tard, évidemment. Vous avez commencé, vous venez de le dire, votre carrière à RTL. Si je ne me trompe pas, vous avez été directeur de la production, également réalisateur. Ouais, j'ai été réalisateur. On va procéder dans l'ordre chronologiquement. Je suis arrivé comme porte-café de la matinale avec Maurice Favière. Vous aviez quel âge? C'est une bonne question, c'était en 1977. Je ne vais pas vous... Eh bien, j'avais 40 ans de moins. J'en ai 59 bien passés, mais j'avais 20 ans. Et comment vous arrivez justement en tant que porte-café? Très simplement. Je vois un article dans Télé 7 jours de l'époque où il y avait un petit billet chaque semaine sur un journaliste, sa vie, son œuvre. Il y avait un journaliste de RTL qui avait une maison dans la Creuse, qui est mon lieu de naissance quasiment, et qui parlait de la Creuse très bien. J'y passe des moments agréables. Je dis tiens, voilà une manière peut-être d'ouvrir la porte de la rue Bayard et de RTL. Je me permets de l'appeler, de demander à la rédaction de RTL Yves Roger, puisque c'est lui, ça me permet de lui rendre hommage, parce que c'était un mec formidable. Sa fille, d'ailleurs, est à Europe, Yves Roger. Et je lui dis, voilà, je me permets de vous appeler, pardonnez-moi mon audace, mais nous avons un point commun, c'est notre amour de la Creuse. Ah, il me dit très bien, je lui dis voilà, je voudrais faire de la radio. Venez. Je suis venu, il m'a fait visiter, et je lui dis mais je ne peux pas faire un stage quelque part, je vais en parler. Et j'ai commencé tout au début comme distributeur de dépêches, qu'à l'époque les dépêches, ce n'étaient pas les fils d'infos que nous avons maintenant, les dépêches dans chacun des services, et j'ai commencé comme ça. Et en même temps, l'après-midi, je monte au premier étage de la rue Bayard pour voir Léon Zitrone, qui faisait appeler... Quand je raconte ça, j'ai l'impression d'avoir 200 ans. Enfin bon, bref. Je vais voir l'émission Appeler, on est là. Et puis, il y avait un garçon qui téléphonait et qui recherchait un standardiste pour l'émission de Max Meynier. J'attends qu'il termine la conversation. Je vais le voir. Je dis, pardonnez-moi, monsieur. J'entends vous rechercher un standardiste. Moi, ça m'intéresse. Il me dit, OK. Et le soir même, je me suis retrouvé à Calberson, puisqu'à l'époque, l'émission de Max Meynier se faisait dans les entrepôts Calberson, où tous les routiers se retrouvaient. Il y avait une plateforme qui avait été faite pour ça. Son studio était tout à fait en haut des entrepôts Calberson, il voyait tout Paris, et j'ai commencé comme standardiste sous les ordres de Francis Zégut, qui était le standardiste en chef. Et le garçon qui m'avait proposé de travailler pour eux s'appelle Éric Laverdin, et il a été réal de Philippe Bouvard, et maintenant, toujours de Philippe Bouvard d'ailleurs, pour les Grosses Têtes, depuis pendant des années, des années, des années. Et il est devenu un membre de mon équipe quand j'étais directeur de la production. Alors après, j'ai été réalisateur avec Sabatier pendant de nombreuses années. Patrick est parti pour les raisons que l'on sait. Je me suis mis à travailler avec Jean-Pierre Foucault, puis Nagui. J'ai travaillé de nombreuses années avec Nagui. Et est arrivé le jour où Philippe Labreau a eu confiance en moi et m'a proposé le poste de directeur de production. Et je venais derrière un des grands noms de la radio, qui s'appelait Henri Agoguet, qui a été le coach de Michel Drucker à l'époque où Michel commençait sur RTL, à l'époque où il se baladait l'après-midi avec la valise RTL en France et ailleurs. Et puis de fil en aiguille, j'ai fait 25 ans là-bas. Alors expliquez-nous, directeur de production, ça consiste en quoi ? C'est-à-dire que vous êtes responsable de la fabrication des émissions, avec les équipes de réalisation, vous les réunissez, vous cherchez des concepts le plus possible, vous essayez d'avoir le feeling pour déterminer le bon concept de celui qui est une fausse bonne idée, comme on disait souvent rue Bayard, oui ça c'est bien mais c'est une fausse bonne idée. Mais d'une fausse bonne idée, on peut arriver à une vraie bonne idée. Donc on a conçu la dernière émission que j'ai laissée quand je suis parti en 2002, c'était l'émission de Julien Courbet, ça peut vous arriver, qui a été peu ou prou la même aujourd'hui. Oui. Qui a fait ses preuves en termes d'audience. Même si au départ, l'idée de Julien était de faire une émission beaucoup plus trash. Et je regardais encore l'autre jour des échanges que j'avais avec Olivier Mazerolle, Stéphane Duhamel et Alain Tibola sur le fait que j'alertais mes supérieurs sur le côté un peu trash de cette émission. Enfin, aujourd'hui, elle est beaucoup plus proche de ce que nous avions conçu avec les équipes. J'ai travaillé avec Fabrice, bien évidemment, comme directeur de production. On a inventé pas mal d'émissions pour lui et sa petite équipe avec Jean-Louis Gaget, Philippe Berger, Véronique Millon, enfin bon, bref. Un nombre important de gens qui ont marqué cette station. Alors justement, je reviens un petit peu sur ce élément de votre parcours, le premier, pour vous poser une question un petit peu d'actualité. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on ne laisse pas assez sa chance aux émissions ? Est-ce qu'on a envie... j'ai l'impression que maintenant, les stations, 6 mois, ça ne marche pas, ciao. Alors, oui, vous avez tout à fait raison, mais moi, je pose une autre question. Est-ce que lorsqu'on met une émission en télé, en radio, je ne parle pas de la télé parce que je ne connais pas, donc je ne parle que de ce que je prétends connaître un peu, les émissions de radio. Le rôle d'un directeur de production, d'un directeur d'antenne, deux réalisateurs qui travaillent ensemble, parce qu'on doit travailler ensemble, je ne suis pas sûr que ça se fasse encore aujourd'hui, le rôle, il est d'abord d'être capable d'imaginer que l'émission va fonctionner ou non. C'est-à-dire que une émission que nous avons mise en place, c'est parce que nous l'entendions. Une émission de radio qui se réussit, c'est une émission que l'on entend avant même de la mettre sur l'antenne. Quand il y a une émission qu'on n'entend pas et quelque chose qui vous gêne et autre, il y a un problème. Donc, oui, sans doute, aujourd'hui, les producteurs, les directeurs d'antenne propulsent des émissions sans les avoir testées, sans avoir fait appel aux compétences. C'est un métier. Moi, je suis, pardon de le dire, quand vous prenez les directeurs d'antenne, les directeurs de chargés des programmes dans certaines grandes radios, ce ne sont pas des gens de radio. Il y en a de moins en moins. La radio, c'est un métier. La télé, c'est un métier. Souvent, les gens me disent, tu as travaillé avec Nagui, pourquoi tu ne demandes pas de travailler avec lui en télévision ? Parce que la télévision, c'est un autre métier. Encore que sur les concepts, et parlons strictement des concepts, je considère que la méthode doit être la même. Mais maintenant, pour des raisons économiques, on diffuse des numéros 0 comme numéro 1, 2, 3. Et puis après, dans allez, si ça marche pas, dans deux mois, on supprime. C'est le phénomène France Télévisions aujourd'hui. Voilà. Alors je me dis, mais t'es peut-être un vieux con parce que finalement la radio a changé. Non, non. Moi, j'ai toujours appris avec mes maîtres, que ce soit Labro, Agogué et d'autres, que il y a des fondamentaux. Mmh. Un 4K, si on met pas d'œufs, si on met pas de farine, si on met pas de lait, si on met pas de beurre, ça sera jamais un 4K. La radio, il y a des règles, il y a des fondamentaux. Aujourd'hui, on s'assoit dessus. Ouais. Moi, il y a une radio que je citerai pas, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé à leur demande pendant des mois et des mois. Je leur ai fait des recommandations. Ça n'a pas été suivi. Ça n'a pas été suivi. Et les derniers sondages. L'ont montré, ne sont pas au rendez-vous. Alors, Claude Emer, ça va être le moment de la première pause musicale. Moi, je voudrais savoir, parce que les deux pauses musicales, vous me les avez données, laquelle vous choisissez pour commencer ? Alors, je vais la faire chronologique. Je vais passer Pavarotti. Pourquoi Pavarotti ? C'est sans doute pas un choix que vous avez eu souvent dans ces émissions, mais Pavarotti, ça a été l'un des premiers grands, très grands artistes, qui pourtant n'était pas dans la variété française, que j'ai rencontré au Claridge, sur les Champs-Élysées, avec Patrick Sabatier. Nous avions obtenu que ce personnage... tout à fait particulier, accepte de répondre aux questions de Patrick Sabatier. Nous étions accompagnés par un homme passionné par le classique, un musicologue, pardon, je cherchais le terme, qui était Pierre Petit, hélas disparu. Et Pierre nous a amenés au Claridge et on s'est retrouvés face à Pavarotti. Je peux vous dire, quand vous avez 22 ans, puisque quand j'étais avec Sabatier, j'avais 22 ans, vous vous trouvez devant un monstre. Je ne parle même pas physiquement, mais un monstre. Pavarotti, c'était la référence mondiale. Il y a Pavarotti, il y a eu les grandes, la Callas et autres, et là, j'étais devant Pavarotti. Je voulais vous apporter la photo, et puis j'ai oublié. Donc voilà pourquoi c'était l'un des premiers grands moments de ma carrière radiophonique. Et là, vous allez entendre avec les Spice Girls, vous vous rendez compte, Pavarotti et les Spice Girls. J'adore ce contraste. C'est un moment, moi je le vis en émotion. Yeah. La rencontre improbable, Luciano Pavarotti et les Spice Girls. Mes idoles de mon adolescence, Claude, j'étais obligée de le dire. Et c'était le titre Viva Forever sur, dans l'émission, donc Pavarotti and Friends, hein, c'est ça? Absolument. Alors, on vous a laissé, Claude Hémer, à la fin de RTL. Je voulais savoir un petit peu comment ça s'était terminé, parce que, si je dis pas de bêtises, hein, ça s'est terminé en 2002. 2002, mars 2002. Je m'entendais pas fort bien avec Béatrice Exposito, qui hélas a disparu 2 ans plus tard. Et le président Leproux, à l'époque, me dit, Claude, voilà... Je suis prêt à tordre le bras à Béatrice, mais j'ai besoin de vous deux. Mais si vous n'arrivez pas à travailler avec, vous êtes libre de partir. Vous partirez dans des bonnes conditions. J'avais fait 25 ans. Je voulais connaître autre chose, entre autres la radio publique. J'étais en relation avec François Desnoyers et Jean-Marie Cavada, qui m'avait dit, bon, le jour où tu partiras, tu auras une place chez nous. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai quitté RTL, j'ai travaillé un peu en freelance avec avec Nagui, pour sa boîte de production, puisqu'on avait un projet de radio, qui n'a jamais vu le jour, d'ailleurs. Malheureusement, et pas par le fait de Nagui, mais c'est ainsi. Un an plus tard, je suis arrivé à France Bleu, et on m'a dit, bon, ben, faut que tu fasses tes classes et tu vas aller diriger Nancy. On te prévient, c'est pas une station facile. Est-ce qu'il y a une station facile à France Bleu, je me pose la question, mais bon. Et je suis resté 3 ans et 3 mois là-bas. Je me suis éclaté. J'ai appris à travailler d'une autre façon, avec des moyens évidemment différents, mais des gens d'une force de motivation, d'une force d'idée, d'une énergie qui faisait que ils m'entraînaient, je les entraînais. Inutile de vous dire que lorsque je suis arrivé, certains m'ont dit je te préviens, on a le couteau derrière le dos et tu vas pas nous imposer les méthodes du privé. C'est dingue, hein, franchement, en France, ouais. Pour tout le monde qui est passé du privé au public, il y a toujours vraiment, on se tire dans les pattes, quoi. Pourtant, on fait le même média, hein, est d'accord. Mais oui, hein. On fait le même métier, on fait le même métier, mais voilà, il y a des précarés, il y a des principes propres au public qui fait que c'est difficile d'accepter les gens du privé. Et donc j'ai fait Nancy, où je me suis éclaté avec des gens formidables. Ça vous a apporté des choses? Ah ouais, ah oui, bien sûr. Ça m'a appris de travailler différemment. D'abord parce que les moyens n'étaient pas les mêmes, et puis vous ne faites pas tout à fait les mêmes choses, vous ne concevez pas les mêmes choses dans le privé que dans le public, parce que les attentes, il y a une chose essentielle dans les radios du réseau France Bleu, par exemple, c'est la proximité. Cette proximité-là, même si RTL a été toujours très proche de ses auditeurs, moi je disais à mes animateurs à France Bleu, la grande différence que vous avez, vous êtes moins connus, mais la grande différence que vous avez avec les animateurs de RTL, d'Europe ou d'Inter, c'est que lorsque vous sortez de la station, vous avez une chance sur deux de rencontrer un auditeur. Ça, c'est votre proximité. Par définition. Donc, cultivez-la. Vous êtes des porte-parole d'une région. Et cette région, elle se concrétise par des personnalités, des auditeurs qui sont agriculteurs, qui sont cadres, qui viennent de partout. Sauf que lorsque vous retrouvez Place Stanislas, ces gens-là, ils vous connaissent, ils vous écoutent. Donc, plus que jamais, vous êtes animateur à la radio et vous êtes des représentants la radio à l'extérieur. Est-ce que France Bleu, c'est la seule radio qui arrive à faire cette proximité régionale, on va dire? Est-ce que vous pensez que les autres antennes arrivent à cette délocalisation aussi forte que France Bleu? Ah non, mais non. Mais vous vous rendez compte? Mais c'est un tort. Oui, mais c'est miraculeux qu'aujourd'hui, j'espère que ça va durer, que ce réseau France Bleu qui emploie 1000 personnes, qui est fragile, donc, est extrêmement fragile. 1000 personnes qui sont développées sur l'ensemble du territoire et qui assure cette proximité, proximité d'information, proximité d'interactivité de jeu avec les auditeurs. Enfin, c'est le seul réseau pour moi aujourd'hui qui a cette vocation. J'espère que tout ça ne sera pas sinon cassé, mais quelque peu. Comment dirais-je ? Endommagé. Endommagé. Mm-mm. Alors, on va être gentil. Vous allez essayer d'être optimiste, on va dire. Voilà. Après France Bleu Sud-Lorraine, vous revenez à Paris, à la Maison Ronde. France Bleu, mes résultats de Nancy ont permis à mon patron de France Bleu de l'époque, Michel Meyer, de me dire, bon, allez, ok, tu viens à Paris et tu me remontes ça. Il y avait une crise, je suis arrivé. On a eu, avec deux ou trois dans cette équipe, cette idée que je trouve géniale et qui apparemment est maltraitée actuellement, malheureusement, c'est de mettre le concept « On fait la route ensemble ». La communauté... Vous vous rendez compte que... Voilà, vous me posez la question sur le concept, le rôle du directeur de production. Mmh. C'est d'imaginer et de humer l'air du temps. Labro nous disait toujours, mais arrêtez d'être tout le temps dans vos bureaux, allez humer l'air du temps. Une grève en novembre 2007. Des bouchons partout, la circulation embolisée en France, à Paris et en région parisienne. Et on commence à recevoir des appels de gens. Je suis à tel endroit, je suis coincé, est-ce que vous avez des infos ? On s'est dit, c'est bon. Voilà le concept. Le voilà le concept, en région parisienne. On a donc passé l'auditeur. Alors si vous êtes dans le coin, si vous avez un tuyau à donner à madame qui est à tel endroit, appelez-nous. Et on a eu 200, 400, 500 appels. Et ça n'a jamais, jamais, jamais diminué. C'était une nouvelle forme d'interactivité. On ne faisait pas jouer les gens. On ne faisait rien gagner. Non, mais qu'est-ce qu'on faisait ? On leur demandait de nous raconter une tranche de vie. La tranche de vie de la journée qui venait de passer. C'était des histoires vécues. Je me souviens très précisément, un soir, je crois que c'était Bill de Bruges qui était au micro... Une auditrice appelle, elle me dit, voilà, je suis sur le rond-point de l'Arc de Triomphe. Ça ne circule plus. Je suis enceinte, je suis en train de faire une crise de nerfs. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Bill, est-ce qu'il y a un médecin près de sur la place ou à proximité ? Est-ce que vous pouvez rejoindre cette dame ? Eh bien, ça s'est fait. Oui. Il y a un médecin qui est arrivé, elle s'est située sur le magma de voiture à l'Arc de Triomphe, et quelqu'un est venu la secourir. Vous vous rendez compte, la force de la radio ? Oui. Ah, ça, c'est bon, il y en a eu d'autres. À l'époque de Max Meynier, il s'est passé des choses extrêmement fortes, humainement. Attendez, c'est le rôle de la radio. Est-ce que vous pensez qu'on donne moins la parole aux auditeurs aujourd'hui, oui. ou différemment, oui, en tout cas ? Différemment. Alors... Moi, j'ai une théorie, je vais vous la donner, c'est que on demande aux auditeurs d'avoir un avis surtout, mm-hmm. et surtout un avis. Mais au nom de quoi des auditeurs peuvent être interrogés sur les combats de Mossoul, sur la dette grecque ? Attendez, mais à part quelques experts, et encore, ils sont pas tous d'accord entre eux... il y a une sorte de démagogie que je ne comprends pas. Laissons les auditeurs, on a besoin d'eux. D'abord, on travaille pour eux. On a besoin d'eux. On a besoin de leur apport. Mais sachons raison garder. On leur donne trop la parole et pour tout et n'importe quoi. Pour tout, mm-hmm. pour n'importe quoi, sur des sujets extrêmement graves et complexes pour lesquels ils n'ont pas l'expertise. Enfin. Certains, oui, mais c'est une infime minorité. Mmh. Mais l'auditeur, offrons-lui du service. Avec On fait la route ensemble, on a offert un service et ça a duré des mois et des mois et des mois. Et là, je crois savoir que ça va s'arrêter, en tout cas, ça diminue amplement. Mais c'est une erreur, enfin, à mon sens. Mmh. C'est pas parce que j'en suis avec deux ou trois autres à l'origine, mais... C'est pour une radio parisienne qui ne trouvait aucune niche. Il y a quand même 50 et quelques radios à Paris. Oui. Il fallait trouver une niche pour faire vivre cette radio, pour lui donner une raison d'être. Mm-hmm. L'infotrafic en était une, c'était pas la seule. Il fallait trouver autre chose, il fallait faire évoluer, bien évidemment. Bon, après un an et demi, je suis parti et je me suis retrouvé à faire directeur de 107.7 SANEF sur les autoroutes du Nord. FM. Et, voilà. Claude Emer, c'est le moment de la deuxième pause musicale. Vous avez choisi quoi ? Thierry Leluron. Thierry Leluron, c'est l'année 86. J'étais avec Patrick Sabatier le matin. Et nous avons vécu le 14 janvier la disparition de Balavoine, le 14 juin ou le 16 juin la disparition de Coluche, et le 13 novembre 86 toujours, la disparition de Thierry Leluron. En dehors du fait que je considérais que c'était le plus grand animateur, il n'y avait pas beaucoup d'ailleurs à l'époque, le plus grand animateur, audacieux, irrévérencieux... pour moi, c'était un personnage que j'avais le plaisir de côtoyer à RTL puisqu'il venait faire des émissions. C'était pas un garçon éminemment sympathique et accessible, mais il avait un gros talent. Mais surtout, nous étions en émission pour la disparition de Balavoine avec Sabatier. Je vous laisse imaginer ce qui se passe quand on est en train de faire notre émission qui ronronne un peu. On voit arriver Philippe Labro, Monique Lemarcy, et là, il faut tout changer en 5 minutes. Après, il y a eu Coluche. Ça, c'était pas dans la matinale, dans la matinée. Et le 13 novembre, chez nous, mort de Thierry Leluron, qui n'était pas malheureusement une surprise. Mais bon, ça tombe. On voit arriver... C'est marrant parce que c'est des moments que je n'oublierai, comme Pavarotti. Mmh. Je vois arriver Philippe Labro dans le studio et c'est l'affolement. Alors, dans ces cas-là... il faut savoir, tenir l'antenne, il faut ne pas prendre de décision hâtive, mais bon, il fallait tout de suite tout arrêter. Voilà pourquoi, puis pour moi, ça a été 86, j'avais près de 30 ans à peine. C'était vraiment un moment très, très difficile et très triste, et vécu de plein fouet, si je puis dire. Nous reverrons un jour ou l'autre, si vous y tenez autant que moi. Prenons rendez-vous un jour, n'importe où. Je promets que j'y serai sans faute. À Noël comme à la Pentecôte, en Laponie comme à Tombouctou. Plus on est de fous, plus on rit de tout. Nous nous reverrons un jour ou l'autre, j'y tiens beaucoup. Nous nous reverrons un jour ou l'autre, le monde est petit, profitons-en. Si notre chemin passe par le mien, ma roulotte croisera la vôtre. Le hasard souvent fait bien les choses, surtout quand on peut les déraper. Une étoile passe et je fais un vœu. Nous nous reverrons un jour ou l'autre, si Dieu le veut. Souvent fait bien les choses, surtout quand on peut les déraper. Une étoile passe et je fais un vœu. Nous nous reverrons un jour ou l'autre, si Dieu le veut. on se reverra un jour ou l'autre de Thierry Leluron. Alors que le démarre, vous me disiez pendant la pause, ça a été composé par Charles Aznavour. Ça a été composé et chanté d'abord et avant tout par l'immense Charles Aznavour qui va apparemment refaire une scène. On en parlait tout à l'heure. Ouais. Fait partie des trois derniers grands monstres de la chanson française. Chapeau bas. Moi, c'est des gens qui m'impressionnent. Complètement. On vous a laissé au départ de France Bleu Île-de-France, si je ne dis pas de bêtises, c'était en 2008, et vous arrivez à la radio des autoroutes, 107.7 FM. Je rencontre le président Cluzel, et je lui dis, président, mon concept est remis en cause par la nouvelle directrice générale du réseau France Bleu. J'ai 50 et quelques années, je connais bien la radio, je trouve ça regrettable, je vois pas comment je peux rester. J'ai toujours été, peut-être un défaut, j'ai toujours été assez droit dans mes bottes, c'est une expression. Et quand je ne sens pas quelque chose, je préfère me retirer que faire des choses qui ne correspondent pas à mon ressenti. C'est très prétentieux, peut-être, mais bon, c'est comme ça. Et il me dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire, Claude ? Jean-Paul Cluzel, qui était un président absolument extraordinaire. Moi, je vous vraiment une grande admiration. Qu'est-ce que vous voulez faire, Claude ? Je dis, écoutez, je crois qu'il y a le poste de directeur de 107.7 à Senlis qui se libère. C'était géré par Radio France. Et bien bon, mais vous savez, Claude, vous allez beaucoup vous embêter là-bas. Je dis... Je suis épuisé, j'ai fait d'ailleurs un burn-out à ce moment-là, pourquoi ne cacher. Je suis épuisé et il faut que je me refasse une santé. Il me dit, bon, eh bien, puisque c'est ça, je m'en occupe. Et je me suis retrouvé pendant 3 ans à 107.1 et puis à 107.7 décidément. Et au bout de 3 ans, j'en avais fait le tour, le poste de directeur était totalement inutile. Si ce n'est que ça me permettait d'avoir j'étais chargé des relations avec notre client, puisque Sanef était notre client, c'est eux qui payaient le contrat à Radio France pour la réalisation de ces émissions. C'était très intéressant, j'ai appris plein de choses, mais bon, au bout de 3 ans... Vous avez fait le tour. Largement. Et je suis parti en avril 2011... Et j'ai commencé à faire du consulting. Voilà. Alors, il faut expliquer. Du coup, vous faites du consulting. Il y en a quelques-uns dans le milieu de la radio. Vous, c'est effectivement en matière de programme. Formation, transmission du savoir. Moi, aujourd'hui, j'ai quelques compétences. Je parlais des fondamentaux. Je crois qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient gardiens du temple, gardiens de ces fondamentaux. Et d'aller porter cette bonne parole à toutes celles et à tous ceux qui veulent aborder ce métier sans en connaître bien les contours. Et voilà, mon rôle, il est là. Soit je fais de la formation dans des centres de formation à Paris ou ailleurs, soit en contact direct dans les radios, j'arrive pendant un jour ou deux, et je forme des jeunes... principalement dans les radios associatives. Et là, ils ont une soif de connaître, ils ont une soif de savoir, ils ont une soif d'appliquer immédiatement ce que vous leur inculquez. C'est magique. Et puis, je fais également, là, je suis dans une mission d'audit pour une radio chrétienne, pour ne pas la citer, pas très loin de Paris. Et là, c'est passionnant parce que ben vous remettez une radio en route. Et ça, c'est formidable. Ouais. Comme ceux qui ont créé dans un autre domaine, à une autre dimension, France TV, il y a 2 mois. D'être à l'origine, de créer, de concevoir, de mettre en place, et surtout de constater le résultat, c'est pour moi l'essentiel de notre métier, un bébé et de le voir évoluer. Alors plus que quelques minutes d'émission, on a encore la question de l'invité. Mon Dieu, que ça passe vite. Je sais bien. Moi, j'avais envie de vous demander l'avenir de la radio. Vous le voyez comment ? Contrairement à certains oiseaux de mauvais augure, je pense que la radio a encore de très très beaux jours. Les supports. on le sait, ne sont plus les mêmes. On n'a plus la TSF de papa et de maman. Il y a maintenant les tablettes, les iPhones, tout ce qu'on veut. Chez moi, j'ai un poste de radio Wi-Fi où j'écoute toutes les radios du monde. Mmh. Ce qui me fait dire, allez, une petite parenthèse, je ne crois pas du tout à cet acharnement. Là, je ne vais pas me faire des copains. Sur la RNT, je n'y crois absolument pas. C'est trop tard. Ok, c'est trop tard. Ça vaudra une émission entière. C'est mon point. D'ailleurs, je poserai, je sais ce que je poserai comme question à l'invité de votre prochaine émission. Donc, les supports, oui, ils évoluent, mais la radio, ça ne sera jamais qu'un dialogue entre un animateur, un journaliste et un auditeur. Parce que la radio sans auditeur, c'est comme la télévision s'il y a personne devant. Mais la radio a de beaux jours devant elle. Le tout, c'est vraiment de respecter les fondamentaux. La mécanique des ondes. Claude Emer, l'invité précédent, c'était Philippe Marty, qui est toujours directeur des programmes de France Bleu Nord, et il vous pose une question. Alors, mon cher Claude, il faut que je te pose une question, j'ai bien réfléchi. Quel est le bon argument, selon toi, pour essayer de motiver nos jeunes à faire de la radio? Et en fait, comme Jackie Gallois, qui lui m'a posé une question, j'ai deux questions pour toi. Donc j'ai cette question et une deuxième. Claude, quand est-ce qu'on déjeune? Alors oui, c'est le running gag depuis 3 émissions, Claude, je vous explique. Hein. Il y a des invitations à déjeuner dans cette émission qui passe. Donc l'invité suivant, vous pouvez peut-être aussi l'inviter à déjeuner, vous avez le droit. Philippe, oui, il y a une autre. J'aime beaucoup Philippe, je connais bien. On a eu l'occasion d'échanger assez récemment sur France Bleu, etc. Enfin bon, bref. Quel est l'argument? Ben, l'argument, c'est nous. C'est nous, hommes de radio passionnés. C'est notre rôle d'inoculer cette passion. Je déjeunais à midi avec un autre bonhomme très motivé sur la radio et qui permet à des jeunes d'appréhender et d'aborder ce métier et d'en connaître les ficelles et les fondamentaux. Eh bien, nous, l'argument premier, c'est de faire paraître, de faire suinter cette passion et cette motivation qui est la nôtre depuis des décennies. Alors, quand est-ce qu'on déjeune? Alors, je sais pas, prenez votre calendrier, vous appelez Philippe Marty. J'appelle Philippe Marty et on va déjeuner très vite. D'autant plus que je crois qu'il est souvent à Paris. Oui, ça y est, il est revenu à la Maison Ronde tout en continuant sa mission de directeur d'antenne de France Bleu Nord. Tout à fait. On est parti pour le questionnaire rapide, Claude Emer, pour clôturer cette émission. Un homme de radio qui pourrait être votre modèle? Dans quelques fonctions et activités que ce soit. Même passé. Oui. Moi, sans hésiter, c'est Fabrice. Fabrice a été l'un des plus grands animateurs, avec toutes les qualités. Moi, il m'a appris mon métier. C'est pas compliqué. Il m'a appris à parler le français. Il m'a appris le métier. Il m'a appris à savoir faire ce qu'il faut faire dans une émission pour que ça fonctionne. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Voilà. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence? France Inter. Quelle radio vous réveille le matin? Aucune. Vous mettez seulement un bip bip bip? Oui. Oui, oui. C'est super violent, hein, Claude Emer. Bah oui. Quelle radio vous endort le soir? Aucune. Vous vous endormez tout seul, sans fond, enfin, sans tout seul, vous en savez rien. Oui, non, je me permettrai pas, mais c'est en fond sonore au final. Non, même pas. J'écoute. Non, parce que je vais vous dire, paradoxalement, je suis marié avec quelqu'un qui ne supporte pas le bruit. Donc, effectivement, j'aimais écouter la radio le matin quand je me réveillais. Elle ne supporte pas ça. Donc voilà, ça fait partie des concessions qu'on doit faire dans un couple. Un endroit où vous écoutez toujours la radio? La voiture. Un endroit où vous ne l'écoutez jamais? Là où vous ne pouvez pas aller à ma place. Votre meilleur souvenir de radio, s'il n'y en a qu'un à retenir? Je crois que c'est France Bleu Île-de-France et cette soirée avec cette auditrice. pour moi, c'est ça. Oui, j'en ai parlé naturellement, mais il y en a tellement d'autres. Je parle de cet événement parce que c'est certainement l'un des plus récents que j'ai vécu, des plus récents, des plus violents, marquant. Des plus marquants. Un pire souvenir. pire souvenir, je peux en parler maintenant parce que ma pauvre, elle est décédée. Nous recevions un jour férié Sylvie Joly à RTL avec Sabatier. Et on voit arriver, je ne sais pas si vous connaissez les studios de RTL qui ont dû changer parce que je n'y suis pas retourné depuis fort longtemps. Il y avait les studios et puis une sorte de grand couloir avec des canapés pour que les gens attendent avant d'être opérés par l'animateur. Et on voit arriver une dame, grande dame, avec un fichu, on aurait dit une femme de ménage. Et à l'époque, nous avions un micro aux pédales pour parler au standard à l'extérieur. Et qu'est-ce qui m'est arrivé ce jour-là? J'avais le micro dans la main et j'ai gardé le contacteur appuyé. Mon chef standard me dit, vient me voir et me dit Sylvie Joly est arrivée. Elle avait pris une demi-heure d'avance. Ça. Et je dis, non mais attends, non mais tu l'as vu avec sa tenue de femme de ménage? Non mais attends, t'as vu la tronche qu'elle a? Et là, je vois le standard, tous les standardistes... médusés. Écroulés. Non, écroulés. Pierre, il s'appelait Pierre, revient me voir, il me dit, je te préviens, elle a tout entendu. Et là, on est parti avec Sabatier dans un fou rire complètement incontrôlable. Ça a duré 10 minutes. Eh bien, Madame Joly, qui prouve que c'était une grande dame, est arrivée un quart d'heure plus tard. On l'a fait rentrer dans le studio puisque la partie interview commençait. Est arrivée comme si de rien n'était et l'interview s'est fort bien passée. Ça, c'est le pire des souvenirs parce que c'est la gaffe considérable. Oui. Considérable. Vous demandez à une invitée de venir un jour férié et vous la traitez de femme de ménage avec son fichu sur la tête. Vous vous rendez compte? Allez, Claude et Mère, on termine avec un conseil à donner à quelqu'un qui veut faire de la radio aujourd'hui. Il faut aimer les gens. La radio, animer, c'est littéralement donner la vie. C'est animare, donner la vie. Il faut aimer les gens. Pour avoir envie de leur parler et leur apporter quelque chose. Chaque fois qu'on fait une émission de radio, quel que soit le sujet, quel que soit le thème, on doit se dire, mais est-ce que j'intéresse la personne à qui je parle? Qu'est-ce que je lui apporte à travers les propos que je tiens, les propos de mes invités? Il faut aimer les gens. Bah, c'est une très très belle conclusion pour également clôturer cette année 2016, Claude Aymer. Très bonne fête de fin d'année à vous toutes et à vous tous. Et merci, Cécile, de m'avoir reçu. C'était un réel plaisir. Je n'ai plus rien à dire. Au revoir.